le saxophoniste Léon Fall est d'un saxophoniste à un autre, celui qui fait la une du jour, à savoir Adrien Soleiman pour son Bel Jazz Club volume 1. Cœur du jazz, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur la page Au cœur du jazz de l'application Radio France ou le site francemusique.fr. Émission conçue avec le concours d'Emmanuel Lacaze, Gérard Chan et Stéphane Poitvin. Rendez-vous demain avec à la une le saxophoniste James Brandon Lewis à 19h sur France Musique. France Musique. France Musique, il est 20h et nous retrouvons Christophe Dédis pour le concert du soir. Bonsoir. Exactement. Christophe. Bonsoir Nicolas Pomaré. Post-romantisme allemand, tout un programme ce mais, soir. Mais c'est ça, et en fait j'étais en train de me dire, c'est quand même la beauté de France Musique, on passe de John Coltrane à Anton Bruckner et Richard Strauss, qui ont composé très très peu de standards de jazz, figurez-vous. Ah oui, mais peut-être que, pourquoi pas, ça peut se reprendre. Hein. Ça peut se reprendre. Ça peut le devenir un jour, si ça se trouve. Bon, écoutez, je vous mets dessus et vous m'en direz des nouvelles. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. France Musique, le concert du soir. Christophe Dillis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 10 février, il est 20h. Bienvenue au concert. Nous continuons notre résidence au Théâtre des Champs-Élysées ce soir. Après un programme de musique galante, classique, 18e siècle la semaine dernière avec le concert de la Loge, voici au programme un répertoire de musique allemande plus récente, davantage fondée sur le temps long, qui prend le temps de développer les idées, qui prend le temps d'installer les auditeurs dans une écoute plus étendue, avec d'un côté un Allemand qui nous offre des changements de couleurs d'une seconde à l'autre, et de l'autre un Autrichien qui préfère travailler les mêmes couleurs sur un temps plus long. Ce soir, nous écoutons l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de leur nouveau chef Thomas Engelbrock dans Les Métamorphoses de Richard Strauss et la 6e symphonie d'Anton Bruckner. Ce programme est un programme de l'opposition, c'est un programme du versus, immédiateté versus temps long, 19e siècle versus 20e siècle, wagnérisme versus post-wagnérisme, tout petit effectif versus grand orchestre symphonique, musique épouvantée par les horreurs de la guerre versus musique optimiste et pleine de confiance en elle. Alors nous allons commencer avec les Métamorphoses de Richard Strauss. 27 minutes de musique, non pas pour orchestre à cordes, mais pour 23 cordes solistes. Ça, c'est important de le noter. Si ça avait été pour orchestre à cordes, on aurait eu quelque chose de collectif. Plein de premiers violons, plein de second violon, plein d'alto, plein de violoncelle et plein de contrebasse. Une musique globalement à 5 parties. Or là, nous avons 23 solistes. C'est-à-dire qu'il y a un instrumentiste par partie. Et au niveau de la texture, ça joue beaucoup. Ça veut dire 23 sensibilités d'artistes différentes, 23 vibratos peut-être, en tout cas 23 solistes. Quant au titre, j'aimerais pouvoir vous dire que Richard Strauss a mis en musique les Métamorphoses d'Ovid, que nous écouterons les aventures pastorales d'Orphée, d'Apollon, de Danaé, d'Écho ou des Muses, mais non. Les Métamorphoses de Strauss sont ancrées dans le temps présent, celui que certains de nos auditeurs ont connu. Nous sommes en mars 1945, le 12 mars plus précisément. L'aviation américaine bombarde et détruit la salle et la scène de l'Opéra de Vienne. La façade reste à peu près intacte grâce aux efforts des Viennois qui l'avaient préventivement murée. Dès le lendemain, un Richard Strauss, déjà affecté par la destruction de son Munich natal, se met au travail. Il honore une commande passée par Paul Zacher, qui lui avait demandé en 1944 une œuvre pour les cordes de son Collegium Musicum de Zurich. Les Métamorphoses sont donc un commentaire sur les changements de l'époque, une marche funèbre pour l'effondrement du temps. Les Métamorphoses ne sont pas celles d'Ovide, donc, mais celles de Goethe en 1790. Et c'est sur la métamorphose des plantes, ce qui se traduit ainsi musicalement. On a un matériau thématique qui se métamorphose, mais sans jamais perdre son identité. Les nouvelles idées germent et se développent, mais restent toujours attachées au noyau. Et voici qui entre sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, Thomas Engelbrock, le chef principal de l'Orchestre de Chambre de Paris, qui a pris ses fonctions lors de cette saison 2024-2025, après le décès qui nous avait beaucoup émus du chef et pianiste Lars Vogt. Voici les Métamorphoses de Richard Strauss, par l'Orchestre de Chambre de Paris. La même orchestration que dans l'Héroïka de Beethoven, violoncelle et contrebasse seule, hommage volontaire de Richard Strauss à Beethoven. Dans ces métamorphoses jouées pour le public qu'on a entendu abasourdi du Théâtre des Champs-Élysées à Paris par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par leur chef principal Thomas Engelbrock. Une musique de Richard Strauss qui donne aussi envie d'écouter La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, composée 40 ans avant, tout aussi moderne et mystérieuse, et qui est aussi pour cordes seules. Et pendant que les 23 cordes solistes de l'Orchestre de Chambre de Paris saluent, je peux vous donner quelques dates pour l'Orchestre de Chambre. Pour les amoureux de Mozart, de hautbois et de clarinette, ce sera les 15 et 14 février à la Cité de la Musique à Paris. Bach et Mahler le 20 février au Théâtre des Champs-Élysées. Schoenberg à la Salle Cortot le 22 février. Et Pergunt de Ibsen, musique de Grieg, du 7 au 16 mars au Théâtre du Châtelet. Et voici que se rallument dans la salle du Théâtre des Champs-Élysées les lumières à travers le grand luminaire célèbre et signé par la cristallerie Lalique pour la petite histoire. C'est l'heure de l'entracte avant d'écouter la 6e symphonie d'Anton Bruckner dans quelques minutes à 20h48. France Musique, le concert du soir, Christophe Dillis. 20h33 sur France Musique. Au premier balcon du Théâtre des Champs-Élysées, pendant l'entracte, les spectateurs peuvent venir rencontrer un médiateur, Quentin Boussuge, pour écouter des explications sur les œuvres jouées par l'Orchestre de Chambre de Paris. Être médiateur pour un concert est un métier qui évolue sans cesse au gré des formats. Par exemple, Quentin Boussuge ne se contente pas d'expliquer les œuvres jouées, il fait parler le public venu le rencontrer. Il y a un petit public qui commence à s'amasser avant le concert, une demi-heure avant. On se met à discuter. En général, on va s'installer au Salon des Dames au rez-de-chaussée. Et puis, on se retrouve à l'entracte. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas entendu les explications avant le concert de les avoir. Ou alors pour les autres de débriefer un peu. Donc, on essaie un peu de commenter les goûts de chacun, ce qu'ils ont pensé. Et de parler de la première partie et la seconde partie du concert. Ça ne doit pas être facile, ça, de faire le lien entre les goûts des uns et puis quand même représenter l'orchestre. Oui, c'est intéressant. Après, ceci dit, on ne m'a jamais demandé de représenter l'orchestre dans un sens où je me sens obligé de dire que c'est super et que ça me plaît. Bon, après, en général, oui. mais oui, c'est intéressant d'aller prendre les réactions du public qui sont en général enthousiastes, en fait. Bon, après, il y a des moments drôles parce qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter qui sont complètement extra-musicales. Donc j'ai parfois des personnes qui viennent me parler de la tenue du chef, de traditions non respectées ou de choses comme ça. Donc ça fait aussi de la médiation sociale, on va dire. C'est toujours enrichissant. Moi, je me rappellerai toujours de ce monsieur. On avait eu un chef qui dirigeait Mozart et du violon. Et qui avait fait une cadence absolument incroyable, qui était en fait une cadence un peu post-moderne, quoi, donc absolument pas dans l'esprit de Mozart. Mais enfin, il avait surtout dirigé en t-shirt, et du coup, ce monsieur était venu me voir, il m'avait dit, il y a eu un énorme problème, il faut absolument que vous en parliez à l'Orchestre de Chambre de Paris, ça c'est impossible. Et donc j'ai essayé d'amener le monsieur sur des considérations musicales, mais non, ce qui l'avait vraiment choqué, c'était le t-shirt, et puis en fait, la cadence moderniste, il l'avait pas entendu. Voilà, faut savoir un peu désamorcer les choses. Il faut savoir garder le sourire. Il y a des gens qui ont envie de montrer leur savoir aussi. Ça arrive assez souvent. La voix de Quentin Boussuge qui assure régulièrement les médiations pour l'Orchestre de Chambre de Paris. Concernant le programme de ce soir, il était assez intéressé de voir les réactions du public à l'écoute des métamorphoses de Richard Strauss. Et finalement, ce qui a intéressé le public, c'est la question de l'effectif instrumental. Un orchestre de chambre, c'est à la fois 23 cordes solistes, mais aussi un orchestre capable de jouer une texture extrêmement massive. Je me rappelle bien d'ailleurs qu'il y a un monsieur qui m'a posé timidement la question de savoir si avec un orchestre de chambre on allait arriver à jouer du Bruckner, puisqu'il est assez connu effectivement pour un espèce de mur symphonique assez colossal. Et en fait, ça c'est à mon goût, ça s'est très bien passé avec l'Orchestre de Chambre de Paris, mais effectivement c'était intéressant de parler de ces différentes textures et vraiment on voit un usage je pense, chez Bruckner, des différents pupitres de l'orchestre qui est assez brutal, en fait, par moment, et puis vraiment à mettre en opposition notamment les cuivres et les cordes. Les cuivres sont souvent utilisés au complet, à l'unisson, de manière vraiment, vraiment brutale. Et puis les cordes peuvent être également seules. Il y a évidemment une grande différence avec les métamorphoses de Strauss qui sont uniquement avec des cordes, mais aussi dans la manière de traiter ces pupitres-là, puisque Strauss, lui, s'était vraiment intéressé à donner un rôle individualisé à chacun des instrumentistes dans les métamorphoses, ce qui fait de manière assez bluffante. Moi, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimé découvrir. C'est peut-être là que je vois la différence. Bruckner, il manie des grandes masses. La voix du médiateur Quentin Boussuge qui parlait de la 6e symphonie de Bruckner que nous allons écouter dans quelques instants. Un orchestre de chambre qui joue une symphonie de Bruckner, ce n'est pas si étrange, surtout quand on considère le fait qu'Anton Bruckner a su y injecter un certain optimisme dans l'écriture. Je crois que c'est une des seules symphonies qui n'est pas remaniée, donc c'est vraiment exceptionnel chez lui parce qu'on sait qu'il doutait énormément de lui. Il prenait les commentaires de ses amis, de son public, et puis généralement, si quelqu'un avait la moindre chose à critiquer, il disait oui, il faut absolument que je réécrive. Donc, ce qui était assez malheureux pour lui. Mais enfin, la 6e, il ne l'a pas remaniée, donc il était plutôt dans un bon état d'esprit, effectivement, lors de sa composition, puisqu'il était satisfait de sa composition dès le départ. Il me semble que Bruckner est quand même dans une période où il commence à rencontrer le succès, ça a mis un certain temps à arriver pour lui, donc c'est une période où ça commence à s'ouvrir pour lui, parce que ça a été assez difficile, sachant qu'il a exercé à Vienne et qu'il était plutôt ostracisé par le camp de Brahms, qui était un petit peu le maître dans la place et qui n'aimait pas la musique de Bruckner, donc ça a été un petit peu difficile pour lui de se faire sa place. Mais là, on est plutôt dans sa période de maturité. Il a commencé à rencontrer le public, donc ça va mieux. Bruckner occupe une place particulière dans la deuxième partie du 19e siècle. Son admiration pour l'écriture massive de Wagner l'amène à composer des textures orchestrales assez épaisses et qui ont pu être un peu commentées à l'époque. Brahms disait de ses symphonies qu'elles étaient comme des boas constricteurs parce que Bruckner les a écrites avec un sens de l'immensité, dans des durées étirées. À tel point qu'il faut des oreilles et une concentration démesurée pour en embrasser toute la richesse. Gustav Mahler, qui peut aussi avoir cette réputation-là, va offrir davantage de quoi capter l'attention sur l'instant, un petit trésor d'orchestration, une petite astuce mélodique, ça et là, au cas où l'on manquerait la vue d'ensemble. Bruckner, beaucoup moins. Il faut rester attentif. Et c'est ce qui a rendu ses symphonies si controversées. À quelqu'un qui lui faisait remarquer justement qu'elles étaient trop longues, Bruckner aurait répondu « Non, monsieur, c'est vous qui êtes trop court ». Je crois même que Brahms a aussi dit que sur l'une de ses œuvres, qu'il avait eu une seule idée, mais qu'il l'a développée pendant une heure et demie. Bon, c'était une manière aussi d'exacerber les différences entre la musique de Bruckner et la sienne, et puis le fait aussi que Bruckner était un fervent admirateur de Wagner. Donc on sait qu'à cette époque-là, Wagner et Brahms forment vraiment deux chapelles opposées. Malheureusement, Bruckner se retrouve un peu dans le camp des perdants à Vienne. Merci beaucoup, Quentin Boussuge. Pour terminer votre intervention, qu'est-ce que vous voudriez nous faire écouter entre les métamorphoses de Strauss et la 6e de Bruckner? Est-ce qu'il y a une musique que vous voudriez placer entre les deux? Pourquoi pas, pour aller un peu plus explorer Strauss, son Capriccio opus 85. C'est une musique qui m'émeut, qui est tout simplement dont j'aime beaucoup les mélodies. Eh bien, merci beaucoup, Quentin Boussuge. Merci à vous. Une musique parfaite pour un lundi soir à 20h44. La musique au clair de lune tirée du Capriccio de Richard Strauss. Andris Nelson dirigeait l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. C'est la fin de cet entracte. France Musique. Le concert du soir. Christophe Dillis. Nous voici de retour dans la salle du Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour écouter la 6e symphonie d'Anton Bruckner par l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Thomas Engelbrock. La 6e symphonie d'Anton Bruckner, une musique de 1881 qui réfute les idées reçues et paresseuses sur la musique de Bruckner. Dans les clichés, je vous en donne une poignée. Il a écrit 9 fois la même symphonie. Son orchestration unidimensionnelle est entièrement due à sa formation d'organiste. Ce sont des cathédrales sonores. Harmoniquement, ces symphonies sont très facilement analysables. Et autres clichés du même genre. En gros, il n'est pas rare de croiser des gens qui vont dire que les symphonies de Bruckner sont comme d'immenses blocs granitiques d'harmonie brute, plutôt que d'être pleinement achevés avec le raffinement attendu d'une composition soignée. Autrement dit, ce sont de grosses masses symphoniques, ce qui rappelle cette vieille plaisanterie de Brahms dont on parlait tout à l'heure, selon laquelle les symphonies de Bruckner ressemblent à des boa constricteurs symphoniques. Anton Bruckner commence à composer sa 6e symphonie en septembre 1879. Il y travaille par intermittence et achève la partition 2 ans plus tard, en septembre 1881. Les 2e et 3e mouvements ont été joués à Vienne en février 1883, mais ce n'est qu'en 1899 que la symphonie fut interprétée dans son intégralité sous la direction de Gustav Mahler, également à Vienne. La première exécution de la partition originale a lieu en 1901 à Stuttgart, sous la direction de Karl Polig. L'ampleur des symphonies de Bruckner et la manière singulière dont elles se déploient peuvent parfois représenter un défi pour la compréhension. Donc je dirais ceci. D'une part, le déroulement général de ces symphonies trace toujours une arche narrative qu'on compare des fois au voyage de foi d'un pèlerin traversant des luttes spirituelles jusqu'à une rédemption triomphante, un concept qui montre la profonde foi catholique de Bruckner. Et d'autre part, Bruckner parvient à créer ce sentiment de progression grâce à des modulations harmoniques fréquentes. Contrairement au cliché, Bruckner ne s'attarde jamais longtemps dans la même tonalité et retarde la résolution jusqu'à la fin du mouvement ou de la symphonie, ce qui crée une sorte de passionnante incertitude renforcée par des variations très soudaines de thèmes et de dynamiques. Quand Bruckner compose sa 6e symphonie, il est au plus mal au niveau de sa carrière. La création de sa 3e symphonie à Vienne en 1878 est une catastrophe parce qu'il a dû lui-même diriger l'orchestre pour remplacer au pied levé Johann Herbeck qui venait de mourir. Et l'orchestre n'a pas du tout été impressionné par ses compétences désastreuses de chef et tout le monde ou presque avait quitté la salle avant la fin de la symphonie. Et pourtant, le fait qu'il ait continué à écrire malgré cela, qu'il ait réussi à composer son quatuor à cordes, qu'il ait réussi à composer sa 6e symphonie, montre qu'il avait quand même foi dans sa vocation artistique. L'Orchestre de Chambre de Paris est maintenant installé sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées pour les 4 mouvements de cette 6e symphonie de Bruckner, Maestoso, Adagio, Scherzo et Finale. Et c'est Thomas Engelbrock qui lève maintenant la baguette. Thank you. Thank you.

Un orchestre de chambre de Paris au grand complet et en grande forme, en très très grande forme, pour la 6e symphonie d'Anton Bruckner, dirigée par Thomas Engelbrock. Le public du Théâtre des Champs-Élysées est clairement débarrassé de tout préjugé anti-Bruckner, à l'inverse des Viennois contemporains de Bruckner. C'est une musique qui demande de la concentration. Il y a moins de petits motifs saillants comme chez Mahler, mais c'est un autre plaisir tout aussi intense à l'écoute de cette 6e symphonie de Bruckner, un véritable cheminement de l'âme du début à la fin de la symphonie. C'est comme ça qu'il voyait les choses en bon catholique. Et c'est la fin de ce concert capté au Théâtre des Champs-Élysées le 16 janvier dernier et qui avait au générique technique Laurent Fratia, Michel Gassic et Thibaut Nassinbem à la prise de son. Paul Malinowski était le musicien metteur en onde, le MMO, c'est celui qui a la partition sous les yeux pour anticiper les dynamiques, les différents pupitres qui joueront, pour anticiper auprès de la personne qui fait le mixage en direct. Et enfin, Claire Lagarde était à la réalisation. Ce concert est terminé, mais nous restons ensemble jusqu'à 22h. France Musique, le concert du soir, Christophe Dillis. 21h39 sur France Musique, à 22h, il ne faudra pas manquer ce grand moment de radio que nous vous proposons. Le pianiste Alfred Brendel, qui n'est pas connu pour donner beaucoup d'entretiens, sera au micro de Philippe Cassard pour le premier épisode des Grands Entretiens. J'ai un peu réfléchi à ce qui pourrait compléter notre soirée Bruckner-Strauss et j'ai trouvé la réponse en la personne d'Ethel Smyth. Ethel Smyth, compositrice britannique, 1858-1944, parfaitement contemporaine des deux compositeurs de ce soir et qui a dans sa plume un peu des deux. La structure symphonique de Bruckner et la spontanéité orchestrale très vivante de Richard Strauss. Voici le premier mouvement de la sérénade pour orchestre en ré majeur d'Ethel Smyth. Pour rapprocher cette musique d'une musique qu'on connaît peut-être davantage, on pourrait mentionner Elgar. Elgar et Smyth sont nés à un an d'intervalle et cette sérénade a été composée la même année que la chanson du matin et la chanson de la nuit d'Elgar au début du XXe siècle. Mais surtout, ce qui les rapproche, c'est un certain germanisme dans l'écriture. C'est du romantisme allemand, composé en Angleterre, composé avec des personnalités anglaises. Ethel Smyth a étudié avec Brahms. Et on peut entendre des outils brahmsiens dans la caisse à outils d'Ethel Smyth. Voici donc le premier mouvement de la sérénade d'Ethel Smyth par l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Joshua Weilerstein. Thank you. le premier mouvement de la sérénade d'Ethel Smythe par l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Joshua Weilerstein. Et nous allons terminer le concert de ce soir avec une autre musique de cette compositrice britannique, Ethel Smythe, Ethel Smith. J'en profite, hein, maintenant que sa musique est de plus en plus enregistrée. Elle ne sort de l'ombre que depuis quelques années, alors qu'il s'agit d'une musique symphonique très très riche, très variée, très intelligente, avec de la musique de chambre aussi, très subtile. Voici le prélude de l'acte 2 des Naufrageurs, The Wreckers, opéra en français d'Ethel Smythe, composé en 1904, presque annonciateur sur beaucoup d'aspects d'ailleurs du Peter Grimes de Benjamin Britten. Mais il faudra attendre 2022 pour qu'il soit donné enfin en français, sa langue originale donc, à Glyndebourne. Ici, la question ne se pose pas puisque ce que nous allons entendre est instrumental. L'Orchestre Philharmonique de la BBC est dirigé par Odaline de la Martinez. Le prélude de l'acte 2 des Naufrageurs d'Assal Smythe par l'Orchestre Philharmonique de la BBC dirigé par Odaline de la Martinez. Merci à toute l'équipe du concert de ce soir. Adrien Landivier était à la console avec Étienne Rouche et Nelly Portal demain à 20h du Jean-Sébastien Bach sur l'orgue de Radio France avec Jean-Luc Haut et Clément Rochefort. En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier à 9h sur France Musique. Elle aime particulièrement la musique de Bach. La pianiste Tzu Xiaomei enregistre ses suites anglaises. Au piano, encore François Dumont joue Debussy et côté orchestre, la suite d'une intégrale des symphonies de Haydn. En piste, demain pour l'actualité du disque. En piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France. Améliorez votre expérience d'écoute de France Musique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Plongez au cœur de la radio en qualité numérique et profitez d'une nouvelle écoute sur la route sans interruption. France Musique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemblepourledab+.fr. France Musique. Merci de choisir France Musique pour passer votre soirée. Il est 22h. France Musique, les grands entretiens, Philippe Cassard. Hello, my name is Alfred Brendel. Je m'appelle Alfred Brendel. I was born on the 5th of Je suis né le 5 janvier 1931 in Northern Moravia, en Moravie du Nord, former Czechoslovakia. En ex-Tchécoslovaquie. I'm a pianist and writer. Je suis pianiste et écrivain. Dear maestro, good morning. Bonjour cher maestro, welcome France vous accueillez Music France Musique dans votre magnifique London, maison londonienne du Thank quartier d'Hampstead. So merci pour ce grand honneur et ce privilège et également pour le temps que vous nous consacrez. Alors justement, way, quand avez-vous emménagé dans cette maison? More than 50 years ago. Il y a plus de 50 ans. Pendant un certain temps, nous avons même eu deux maisons, car mes enfants habitaient avec moi. Maintenant, je n'en ai plus qu'une, which is far too cramped, ce qui signifie que je n'ai plus du tout assez de place pour tous mes livres. Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Londres au début des années 70? I came here from Vienna. Because I wanted to live in a big J'ai quitté Vienne pour m'installer ici parce que je voulais Vienna, vivre dans une grande ville cosmopolite. Vienne, à l'époque, me semblait provinciale, malgré son orchestre et son opéra. Provincial à quel titre? Oh, I mean, there was still the Iron Curtain. Je veux dire qu'à l'époque, il y avait encore le rideau de fer. Mais en réalité, les choses ont changé aujourd'hui. La ville est bien plus cosmopolite. Quand avez-vous vécu à Vienne? De 1950 à 1970. Je vivais là-bas comme un résident invité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Well, that's the way I live anyway. Ma vie est comme ça, de toute manière. Never thought myself of being Viennese. En tout cas, je ne me suis jamais considéré comme viennois. How would you describe Comment décririez-vous cette maison où vous vivez actuellement? As I have said, it's full of books. Comme je l'ai dit, elle est pleine de livres. Everywhere. Il y en a partout. Also, some modern art. Il y a des tableaux d'art moderne accrochés au mur some old furniture. Et des vieux meubles. Do you need Vous éprouvez le besoin de toucher books, ces livres, de les prendre, de les lire. I'm also a very visual Je suis quelqu'un de très visuel, so I need donc j'ai besoin d'avoir mon environnement. But I'm a bit, desperate because Mais there's enough ça me désespère space un peu de books. Ne pas avoir assez d'espace pour les livres. Enfin, sur quatre étages quand même. Yeah, I want them to be in oui, some je veux qu'ils soient classés un minimum. Mais vous lisez toujours ces livres ou de nouveaux livres? Not all of them. Pas tous, c'est impossible. Non, mais je voulais dire, vous achetez toujours des livres? Yes, I still do that. I still read some books. Je le fais toujours. But I particularly like to read. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est relire les chefs-d'œuvre. Last year was l'année dernière, War and Peace. Guerre et paix, for instance. Par exemple, Léon Tolstoï. Yes. The Russian literature. La littérature russe, vous l'appréciez? I had a time, Il y a une époque, quand j'avais la quarantaine, cinquantaine, où je ne lisais pratiquement que des romans, novels, et notamment russes, Tolstoï en particulier, Goncharov, Oblomov, un peu de Dostoïevski bien sûr, Gogol, but particularly French et les romans français en particulier. Stendhal et Flaubert. De Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme de Stendhal. Flaubert, l'éducation sentimentale. Et l'éducation sentimentale de Flaubert. You read in Vous lisez English en anglais in ou en allemand? Both. Les deux. Both. Sometimes de temps à autre, vous comparez English les traductions allemandes et anglaises. Ça peut arriver, oui. And, et par exemple, for example, do you read vous lisez chaque jour? C'est un devoir pour vous? Oh, absolutely. Yes. Absolument. Yes. There was also a special interest in Je me suis intéressé spécifiquement à la littérature italienne d'après-guerre. Calvino, Primo Levi. Italo Calvino, Primo Levi. And in Polish Et aussi à la littérature polonaise d'après-guerre. For me, Zbigniew Herbert is the De cette époque, Zbigniew Herbert est mon poète favori. After the war. Vous avez souvent dit que l'homme sans qualité de Robert Musil avait joué un rôle essentiel sur vous lorsque vous aviez une vingtaine d'années. L'homme sans qualité, c'est une tentative de roman complet, pour ainsi dire. C'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais lu Romain Rolland, puis peu après La Montagne Magique, Thomas Mann and, the glass perlage, et Le jeu des perles de verre, Hermann Hesse. All attempts of, Toutes ces œuvres tentent de saisir la vie a completeness of dans that. Sa globalité. But, Musil was particularly dear to, Mais to myself, je me sens particulièrement proche de Musil. A non-believer, as I am, C'était un non-croyant, comme moi. Interested in the mais qui s'intéressait sphere. Aux expériences mystiques. I saw the same desire in Valéry, Je retrouve le même désir chez Paul Valéry, par exemple, in Fritz Mautner, the philosopher. Ou Fritz Mautner, le philosophe. But did you feel mais vous vous sentiez proche d'Ulrich, le personnage principal de L'homme sans qualité? I would rather identify with him because he was oui, disons a que je me sens proche de lui parce que c'est un non-héros. Mais est-ce que justement vous n'êtes pas devenu vous-même un héros lorsque vous avez été la grande star du piano? I never felt heroic. Non, je ne me suis jamais senti comme tel. Going on stage is not an Aller sur scène, ce n'est pas un acte héroïque? No, I also was not sorry for myself, non, non, je n'étais pas à plaindre d'être dans cette position. I was relatively J'ai été plutôt chanceux. Mais je n'étais pas non plus sur mon petit nuage quant à mes propres capacités. Je peux voir dans cette maison des masques tribaux menaçants et des peintures sarcastiques de Max Neumann. Est-ce qu'elles sont vraiment sarcastiques? Je ne sais pas. Vous ne trouvez pas? Comment vous décririez ces visions terrifiantes? Étrange, je dirais. Max Neumann était un homme qui, chaque année, changeait d'approche. Il s'en surprenait lui-même. Je ne pense pas que c'était conscient. C'était des visions. Enfin, il y a beaucoup de peintures sur les murs autour de vos pianos. Vous avez besoin de cet environnement? Oui, oui. Je veux être en contact avec la réalité, ou quelque chose de plus réel que la réalité. Vous êtes devenu un expert du mouvement Dada, et d'ailleurs vous avez écrit sur ce mouvement. Quand est-ce que vous avez découvert le dadaïsme et qu'est-ce qu'il vous a apporté? C'est une longue histoire. Tout d'abord, ma mère, qui était tout sauf une dadaïste ou une connaisseuse de l'art moderne, avait pour habitude de chanter cette chanson allemande des années 20, dont les paroles commencent comme suit. I tear out one of my eyelashes. J'arrache un de mes cils et je te poignarde à mort avec. Then I order poached eggs. Puis je commande des œufs pochés et je t'asperge d'épinards. Only the beginning. Ça c'est le début de la chanson. A pure Dada song. Une vraie chanson dadaïste. And my mother sang it and it was always very embarrassing. Ma mère la chantait et elle trouvait cela embarrassant, quelque chose d'un peu idiot. Mais elle ne savait pas ce que cette chanson provoquait en moi. So this was the very beginning. Donc ça a marqué le début de ma longue fascination pour le dadaïsme. After the war, when we all had very little money, et puis immédiatement après la fin de la guerre, une fois que nous avions enfin un petit peu d'argent, il y avait un établissement à Graz où il était possible de troquer des objets qui ne nous servaient pas contre des choses qui nous intéressaient. Donc, nous avons échangé des livres. J'ai pu avoir en échange des écrits sur le premier dadaïsme et les écrits de Busoni. Je suis allé à Bâle plusieurs fois pour voir des expositions, et c'est là que j'ai écrit mon essai sur l'histoire du dadaïsme. Certains ont du mal à se rendre compte que l'absurde peut être aussi important que le rationnel. J'aime les deux à part égale. On ne sait pas vraiment que votre personnalité est double à ce point. C'est-à-dire que je ne cultive pas l'absurde quand je joue du Beethoven, par exemple. Ça serait une erreur de chercher le dadaïste chez Beethoven. One approaches the wrong door. Ça serait ouvrir la mauvaise porte. There are more doors in myself. Or, il y a d'autres portes en moi. Not all of them are directly qui ne sont pas toutes directement liées à ma profession de musicien. Musique, les grands entretiens d'Alfred Brendel. Vous pratiquez l'humour, l'humour noir, notamment dans vos poèmes. J'espère que mes poèmes montrent mes côtés absurdes. Mais leur but premier est de me surprendre moi-même. Le premier poème qui m'est venu n'avait rien de délibéré. Je n'étais pas parti pour écrire de la poésie. C'était lequel? Celui du troisième index. Le fait was that I was in a plane to Japan. À ce moment-là, j'étais dans un avion pour le Japon. Les lumières étaient éteintes. This poem emerged from my consciousness. Et ce poème a émergé de mon esprit. I wrote it down in the dark. Je l'ai noté dans le noir. And looked at it next et plus tard, je l'ai relu. Et je me suis demandé comment on pourrait donner une suite à ce poème. And then it went on, et effectivement, la suite est arrivée. My publisher, quelqu'un a parlé de ces poèmes à mon éditeur, Munich, à Munich. Was shown these poems. I didn't do it. Qui m'a dit que si les poèmes continuaient d'être écrits, nous pourrions en faire un livre. C'est ce qui s'est produit. Il y a eu trois recueils. Et quand les poèmes ont arrêté d'émerger par eux-mêmes, je me suis arrêté. Voudriez-vous nous le lire? Es gab einen Pianisten. Il était un pianiste auquel poussa un troisième index. Un en plus, non pas pour jouer du piano, bien qu'il intervint parfois discrètement dans un passage difficile, mais pour montrer du doigt lorsque les deux mains étaient prises. De temps en temps, le doigt sortait du nez pour démasquer un tousseur dans la salle. Ou bien, il sortait sous les pans de son frac pour faire signe à une dame au troisième rang. Au canon en miroir du thème de la fugue, on le voyait se dresser de toute sa longueur par le col de chemise. Exceptionnellement, lorsque le cerveau du pianiste bouillait et que les harmonies s'entremêlaient, il se tournait vers son propriétaire et, accusateur, frappait plusieurs fois sur sa calotte crânienne. Savoir qui il accusait n'était pas tout à fait simple, car le pianiste faisait de son mieux. En de tels moments, le public silencieux retenait son souffle. Lorsqu'ensuite le doigt disparaissait dans la poche supérieure gauche du frac, on sentait dans la salle un certain soulagement. L'homme à la caméra vidéo, qui avait saisi la scène au vol, s'assoupit. Et le critique nota, pour ne pas l'oublier, le titre « Un doigt en trop ». Merci beaucoup, maestro. J'ai fait des lectures de ces poèmes assez souvent. Avec de la musique? Parfois avec mon fils, Adrian, au violoncelle. Et en particulier avec Pierre-Laurent Aymar. Quelle sorte de musique? Kurtag ou Ligeti. Thank you. Alors, vous êtes né en Moravie du Nord, comme vous l'avez dit, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui appelée Lushna nad Desnou, en République tchèque. Vos parents ont déménagé à Zagreb, en ex-Yougoslavie, aujourd'hui en Croatie, et enfin à Graz, en Autriche. Alors, est-ce que vous vous souvenez de tous ces déménagements et ces changements dans votre vie ? Si on veut être tout à fait exhaustif, tout d'abord, nous avons emménagé sur une île dans l'Adriatique, Kirk, dans un village qui s'appelle Omichal, où mes parents essayaient de gérer un hôtel. À l'époque, j'étais enfant, et il a fallu que j'aille à l'école. Donc, nous sommes allés vivre à Zagreb, où il y avait une école allemande. J'y ai appris un petit peu de croate et d'anglais. Et j'ai joué dans un groupe de théâtre pour enfants pendant un an. Je jouais le rôle d'un général avec un chapeau sur la tête et un sabre. Je chantais des couplets en croate avant même d'en comprendre le sens. Mais quelle langue parliez-vous avec vos parents ? Je parlais allemand. Et à l'école ? L'allemand aussi. Et un petit peu le croate. Vous vous souvenez de quelques mots en croate ? Ça fait trop longtemps. Je pense qu'il me faudrait quelques mois pour que ça me revienne. Ça ne me sert à rien aujourd'hui. Mais alors, dès lors, comment définiriez-vous votre identité ? J'ai vécu en Autriche. J'ai un passeport autrichien, encore aujourd'hui. Je vis en Angleterre depuis plus de 50 ans. Mais je ne me sens ni autrichien ni anglais. Je n'ai pas besoin d'une identité de ce genre. Je suis entièrement contre toute forme de nationalisme. Mais justement, dans votre cas, votre histoire personnelle, votre éducation ne sont-elles pas un contre-exemple du nationalisme ? Oui, je préfère être ce résident invité. Est-ce que la langue allemande a nourri et structuré votre identité, s'il y a une identité dans l'art ? Oui, à l'écrit, probablement. Mais ce qui m'a le plus façonné, c'était le lien avec la musique allemande. La musique de Bach, de Handel, jusqu'à Beethoven et Schubert. C'était pour moi la plus belle musique. Schumann aussi ? J'adore Schumann, mais c'est encore différent. Est-ce que vos parents pratiquaient la musique ? Est-ce qu'ils allaient au concert ou à toute autre forme de manifestation musicale ? Il n'y avait pas de vie musicale chez les Brendel. Tout modestement, une fois par mois, mes parents jouaient à quatre mains. Ils étaient très différents quand ils jouaient. Mon père se comportait de manière extravagante. Il voulait montrer qu'il maîtrisait ce qu'il faisait. Ma mère, au contraire, était toute crispée. Elle essayait d'appuyer sur les bonnes touches. Qu'est-ce qu'il jouait ? L'ouverture de Zampa par Louis Hérold. Un français. Vous avez des souvenirs ? Non, je ne m'en souviens pas. Je me souviens du nom, oui. Et que c'était assez ridicule. Je sais que vous avez entrepris des recherches sur votre nom, Brendel. Oui, Brendel est un nom assez répandu dans le nord de l'Allemagne. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des Brendel juifs, pas dans ma famille malheureusement, mais en Israël, en Europe de l'Est. Puis j'ai reçu un tableau qui représentait une scène de l'enfer, qui est à un étage dans cette maison. J'avais aussi reçu une lettre d'un historien qui m'apprenait que Brendel était un des noms du diable au Moyen-Âge. C'était celui qui alimentait le feu. Cette information m'a donné matière à réflexion et aussi beaucoup de plaisir. Le final de la sonate en Do majeur op. 16:50 de Haydn, joué en public par Alfred Brendel, qu'on retrouvera demain dans le deuxième épisode de ses grands entretiens. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Vous écoutez France Musique, il est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création mondiale. Megumi Okuda est la compositrice de la semaine dans nos brèves sonores. Depuis quelques années, elle collectionne les sons de son environnement, de son quotidien, des sons de machines, d'oiseaux, d'objets divers. Elle ne fait aucune hiérarchie entre tous ces sons à partir du moment où ils parlent à ses oreilles. La suite de miniatures électroacoustiques qu'elle a imaginées pour notre feuilleton a, par exemple, pour matière première, les sons d'un lave-linge séchant. Donc la matière sonore de ces cinq pièces, ce sont des sons de machine à laver. Oui, inspirés par ou créés à partir des analyses, en fait, d'analyses de sons faits par l'enregistrement de la machine à laver et à sécher. Ce sont en fait deux cycles différents. Et j'ai enregistré pendant la nuit pour éviter en fait les bruits. Je pense que j'ai dérangé pas mal de voisins, mais ouais. Aujourd'hui, lundi, premier fragment d'Awar et Rome réalisé avec les outils informatiques à partir des sons de la machine. Quand on fait attention et qu'on commence à vraiment écouter, on peut écouter plus d'autres couches que juste peut-être le côté rythmique d'un cycle de la machine. Ça veut dire les couches un peu des drones, une mélodie, des voix surtout que mélodie ou... les glissandis, qui sont très très puissants, ou même un peu de souffle, ce côté white noise qu'on peut écouter. Donc je commence avec cette première partie, un peu avec la fin de la machine à laver. Et bien sûr, on pourrait entendre la machine à laver, le rythme. Mais surtout, je me suis concentrée sur les autres couches dont je viens de parler, qui ressemblent un peu à une voix, cœur ou des instruments qui glissent. L'univers sonore de Megumi Okuda, peuplé de sons du quotidien, ici les sons d'une machine à laver qu'elle a enregistrée la nuit dans son studio pendant une résidence de composition à Marseille, puis retravaillée dans les studios de l'INA GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA. La suite du feuilleton, demain. Il est 22h30 sur France Musique, l'heure de retrouver les trésors de France Musique avec Françoise Monteil. Bonsoir Françoise. Bonsoir Anne, on vous retrouve demain. À demain. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil. Bienvenue à tous. Un grand nom du jazz est à l'affiche de nos trésors aujourd'hui, le pianiste et compositeur Martial Solal. Martial Solal que nous allons écouter au piano au cours des deux premières émissions que lui avait confiées Claude Samuel sur notre antenne en 1993. Chaque dimanche à 17h, Martial Solal avait carte blanche pour improviser au piano devant le public du studio 105 de la Maison de la Radio. Un défi que Martial Solal a relevé avec brio pendant une saison entière, en s'appuyant sur des thèmes connus ou non, de Duke Ellington à Thelonious Monk, en passant par Chopin, Gershwin, Strauss et bien d'autres. L'improvisation est une chose très sérieuse, nous dit Martial Solal avant de se mettre au piano. La règle d'or, surtout ne rien préparer, et là, tout peut arriver. Place à Martial Solal, il était sur les ondes de France Musique en septembre 1993. Merci. Alors je voudrais que cette série d'improvisations soit placée sous le signe de la plus grande honnêteté. Parce que j'estime que l'improvisation est une chose très sérieuse, mais qu'improviser réellement, c'est vraiment n'avoir rien préparé chez soi, qu'à la rigueur, une liste de morceaux qu'on consulte si l'on veut, on peut le prendre à l'endroit ou à l'envers, ça n'a pas vraiment d'importance. Et l'honnêteté consistera également à ne pas préparer le programme, de sorte que chacune de ces émissions sera construite autour de thèmes connus ou pas connus. Je mélangerai probablement Ellington avec Monk ou Chopin. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et il y aura aussi des morceaux que j'improviserai directement sans préparation. Voilà ce que j'appelle l'honnêteté. Pour le reste, vous verrez bien. Thank you. Il s'agissait en principe d'un thème de Gershwin qui s'intitule, ou qui s'intitulait, comme vous voudrez, A Foggy Day. Je vais continuer avec Prélude to a Kiss de Duke Ellington.

Merci. Après Prélude to a Kiss, vous avez pu entendre Egg Marine. Je terminerai avec une improvisation complètement libre. Thank you. C'était la toute première émission de Martial Solal, diffusée sur l'antenne de France Musique le 12 septembre 1993. Les trésors de France Musique. Je vous propose d'écouter à présent la seconde session d'improvisation de Martial Solal, diffusée le dimanche suivant. Il s'inspire de l'une de ses compositions, mais aussi de Gershwin, d'une chanson populaire française et de Duke Ellington. Merci. Quand un improvisateur dit qu'il improvise sur Ellington, Gershwin, Charlie Parker, en réalité ne le croyait pas du tout parce qu'il ne pense qu'à lui. Il ramène tout à son propre style. Alors quoi que je dise, ne me croyez pas. Thank you. C'était J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Et avant, il y avait quelques mesures de solitude de Duke Ellington. Thank you. Thank you. C'était une composition de George Gershwin, Embraceable You. Je continuerai avec moins de 36. C'est un morceau que j'ai écrit moi-même, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait que 35 mesures en l'écrivant. Thank you. Le public du studio 105 saluait Martial Solal à l'issue de son second récital d'improvisation sur la quarantaine qu'il avait donnée chaque semaine au cours de la saison 1993-1994 sur l'antenne de France Musique. D'autres sessions à suivre très prochainement dans nos trésors. Toutes nos archives sont à retrouver en podcast sur le site de France Musique et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration. C'était les trésors de France Musique par Françoise Monteil. Bienvenue dans les nuits de France Musique. Tout de suite les essentiels de François-Xavier Chemchak. Bonjour et bienvenue, voici les essentiels du violoniste et altiste James Ennis. Première de 5 émissions sur ce merveilleux artiste avec lequel nous allons traverser l'histoire de la musique. Demain, ce sera de Mozart à Camille Saint-Saëns, en passant par Beethoven. Mercredi, de Pagani à Max Bruch. Jeudi, de César Franck à Claude Debussy. Et vendredi, de Fritz Kreisler à John Williams. Aujourd'hui, voici James Ennis, baroque et néo-baroque, qui interprète ici une sonate d'Isaïe, qui rend hommage à Jean-Sébastien Bach.